La seconde critique des philosophies de l'histoire à laquelle nous allons nous intéresser est celle développée par le philosophe autrichien Karl Popper. Pour rappel, Popper est avant tout un philosophe des sciences. Il a cherché à identifier un critère de démarcation entre les théories scientifiques et les théories pseudo-scientifiques. Pour lui, ce qui caractérise une théorie scientifique est son caractère falsifiable, c'est-à-dire le fait que ses énoncés doivent pouvoir être testés et éventuellement remis en cause par des expériences. Une théorie qui prétend expliquer un phénomène, mais sans pouvoir être testée et donc sans jamais pouvoir être réfutée, doit être considérée comme non scientifique. Cette critique des théories pseudo-scientifiques va se retrouver dans sa critique des philosophies de l'histoire. Donc, pour rappel, dans les sciences de la nature, une loi est une formule mathématique qui permet d'effectuer des prévisions à partir de données disponibles. Ces prévisions doivent être testées de façon systématique. Et si les prévisions effectuées à partir des données et des lois formulées ne sont pas correctes, alors il va être nécessaire de réviser les lois sur lesquelles nous nous appuyons, les lois élaborées par les savants. Les philosophies de l'histoire, d'une certaine façon, appliquent ce concept de loi à l'histoire humaine. Elles prétendent découvrir des lois de l'histoire, des lois du développement des sociétés, et à partir de ces lois, prévoir le destin de l'humanité. Mais selon Popper, les prévisions faites à partir de ces lois ne sont pas testables. Donc, ce sont en réalité bien moins des prévisions scientifiques que des prophéties de nature un petit peu religieuse. Donc ça, c'est la première critique que formule Popper, c'est une critique d'un point de vue épistémologique des philosophies de l'histoire. Donc épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance. Mais pour Popper, il faut aussi critiquer les philosophies de l'histoire d'un point de vue pratique, d'un point de vue politique. En effet, les idées de Hegel et de Marx ont, selon lui, servi à justifier au XXe siècle, des actions de grande violence au nom justement de la philosophie de l'histoire et de la fin de l'histoire que ces idées annonçaient. On pourrait prendre par exemple l'idée de progrès. Voilà, l'idée de progrès, ce n'est pas celle qui intéresse le plus Popper, mais cette idée de progrès au XXe siècle, et plus encore dès le XIXe siècle, avait servi aux Européens à justifier leur entreprise de colonisation d'une grande partie du reste du monde. On peut prendre notamment les discours de Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, donc Jules Ferry, homme politique de la Troisième République, qui a été un grand partisan de la colonisation française. Eh bien, Jules Ferry défendait la colonisation au nom d'une prétendue avance des Européens sur les autres peuples. Donc, coloniser le reste du monde, c'était une manière de pousser l'ensemble de l'humanité à avancer dans l'histoire. Ce que cible surtout Popper, c'est plutôt l'utilisation faite par les bolcheviks des idées de Marx et de sa philosophie de l'histoire, puisque selon lui, les bolcheviks ont justifié les massacres qu'ils ont perpétrés, justement au nom de la réalisation du communisme et donc au nom des lois de l'histoire. Donc, pour Popper, ces philosophies de l'histoire, en plus d'être incorrectes d'un point de vue épistémologique, sont également dangereuses d'un point de vue politique, puisqu'elles permettent de justifier n'importe quelle action au nom de la réalisation d'un grand projet historique. Enfin, bon, une troisième critique des philosophies d'histoire que nous pouvons mobiliser est celle formulée par Hannah Arendt, philosophe allemande qui a beaucoup écrit dans les années 50-60. Et qui, comme Popper, avait connu la montée du nazisme et avait dû fuir l'Allemagne durant cette période. Celle-ci se positionne principalement par rapport à Marx. Elle lui reproche d'avoir conçu l'histoire à la façon d'un processus naturel, un processus en quelque sorte inéluctable, c'est-à-dire auquel nul ne peut résister. En ce sens, une telle conception de l'histoire, selon Arendt, ni la liberté humaine. la capacité de faire des choix de façon délibérée et de réaliser ses choix. Arendt ne nie pas l'existence de déterminisme historique. Elle accepte cette idée. Au contraire, elle admet même que l'histoire est essentiellement faite par des processus sociaux, des processus qui sont en grande partie indépendants de la volonté des individus. On peut prendre pour exemple les dynamiques démographiques, voilà, notamment le phénomène de transition démographique qu'ont connu les sociétés européennes au XIXe siècle, puis le reste du monde au XXe siècle. Ces processus-là n'ont pas été décidés par des gouvernements. Il y a sans doute eu des politiques nataliste ou au contraire des politiques de contrôle des naissances faites par certains gouvernements, mais dans l'ensemble, la transition démographique est un phénomène social qui est lié par exemple aux transformations économiques, aux transformations éducatives, mais qui est indépendant de la volonté des personnes. Un autre exemple est celui des cycles économiques. Les cycles économiques identifiés par notamment Juglar et Kondratiev. Donc, qui ont identifié qu'il y avait des régularités dans les phénomènes de prix et de production, régularités qui pouvaient se faire sur des cycles de 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire 60 ans. Il y a plusieurs cycles qui se superposent les uns aux autres. Bon, eh bien, ces cycles ne sont pas décidés par les acteurs. Hein, ils s'imposent à eux d'une certaine façon, même s'ils sont liés aux interactions de nombreux individus. Donc, Arendt ne nie pas du tout l'existence de tels phénomènes sociaux qui s'impose aux hommes et qui détermine en grande partie le changement historique. Mais face à ces processus, Arendt défend néanmoins l'existence de la liberté conçue comme capacité d'initier quelque chose de nouveau. Selon elle, les êtres humains ont la capacité de commencer de nouvelles dynamiques en rupture avec les processus déjà en développement. Elle prend l'exemple de la fondation d'un nouvel État. Voilà, l'exemple paradigmatique qu'elle adopte, c'est celui de la fondation d'une cité dans l'Antiquité. Vous aviez une communauté politique préexistante, et puis une partie de cette communauté décide de partir, s'installer à un nouvel endroit. Par exemple, Romulus qui trace les limes de la nouvelle cité et établit un nouveau pacte avec une nouvelle communauté. On pourrait faire le parallèle avec ce qui s'est passé au XIXe et puis surtout au XXe siècle, dans les processus de décomposition des empires et de fondation de nouveaux pays où un nouveau pacte social est pris à un moment donné. Autre exemple, c'est celui d'une révolution. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Eh bien, c'est face à un ordre politique, un régime politique en place au sein d'un certain État, eh bien, un processus social est enclenché de changement. Et on peut penser, voilà, ce qui s'est passé aux États-Unis ou en France au XVIIIe siècle. Une assemblée constituante est mise en place et un nouveau régime est décidé par les acteurs. Donc il y a, à travers ces actions, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a des hommes et des femmes qui décident de prendre en main leur avenir collectif en rompant avec un ordre établi. Alors évidemment, ils agissent en fonction de certaines forces qui s'exercent sur eux, de certaines contraintes, d'un contexte. Mais le cœur de leur action réside bien dans la rupture avec des processus qui pouvaient paraître d'une certaine façon éternels, auxquels on ne pouvait rien changer. Et justement, Arendt défend cette existence de la liberté et pense qu'il ne faut pas, disons, se résigner à l'idée de processus face auxquels on ne pourrait absolument rien faire. Alors, ce qu'on pourrait peut-être répondre, du point de vue de Marx, qu'est-ce que dirait Marx face à ça? Il dirait bah, peut-être une première chose, c'est que l'idée que les lois de l'histoire des sociétés qu'il met en évidence sont pour lui des lois tendancielles. C'est-à-dire qu'elles décrivent des tendances globales qui peuvent admettre des allers-retours, des déviations. Ce ne sont pas des processus purement dynamiques, hein, ce sont bien des processus. Non, je veux dire, ce ne sont pas des processus purement mécaniques, c'est ça? Ce sont plutôt des processus dynamiques, donc qui admettent potentiellement des divergences. Alors. Ensuite, Marx reconnaît aussi le rôle des individus dans l'histoire, bien que pour lui, ces individus agissent essentiellement en tant que représentants de leur classe sociale. C'est-à-dire que, certes, les individus ont des projets conscients, Mais les initiatives qu'ils prennent, eh bien ces initiatives, elles sont toujours influencées par les intérêts des groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Et donc ce qui va déterminer la réalisation d'un projet, ça va être les rapports de force entre les groupes sociaux et non seulement la volonté des individus. On peut, pour prendre les exemples que prend Marx, sont surtout tirés de l'histoire sociale et politique de la France. Hein, selon lui, c'était un petit peu le laboratoire politique de l'Europe. Et ses travaux historiques sont surtout centrés sur celle-ci. Voilà, ce sera un petit peu le panorama que nous avons à la fois des philosophies de l'histoire et les critiques qui en ont été formulées, hein, au cours du XXe siècle en particulier.